Plus léger, ouais. C'est bien. Palais d'argent. Commence à boire, traîner dans les bars pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Elle ferme les yeux et dans ses rêves elle part. Nouveau jour se lève. Jolie petite histoire. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Yes. About to make, about to share, about to get. Make a name drop to share. Français qu'on a là. Vas-y, wait. Il aussi le texto qui prend mon attention. Elle réveille mes défauts. Elle me dit que je suis qu'un con. J'suis pas sympa, malgré moi, j'suis une merde. C'est pas terrible de pas être sympa comme ça, d'être une merde. C'est pas souvent, plausible. Souvent, renvoie à ce que tu es. Y'a que toi qui sais ce que tu es. Y'a que toi qui sais ce que tu es. Ce que tu es. Ouais, un dieu qui. Ah, j'ai entendu Poudipic. Ça s'arrête pas hein, tout le temps. C'est pour ça que j'ai même arrêté la batterie. Pardon, je remets la batterie. Vas-y, propose quelque chose, non? Non, c'est bien ce qu'ils font les mecs. Ah. Oh, je fais de la merde, c'est pour ça. Je fais de la merde. Désolé. And this is a sad way. And this is a sad way. And you give yourself away with or without you. I don't know where it stopped. I don't know why it stopped. I can't leave. Let's do our track, you know? I don't know why I don't know why it stops about I don't know why, but I have to restart. I've got You think you need to go? C'est une intuition. On peut pas t'en vouloir. Jamais. Il est revenu. Maxus. Affectif. d'aussi loin, d'aussi près. Un truc de malade. Yes, we experiment. Yeah, it's a ninja say yeah. Yeah, yeah. Whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa. It's not perfect, no. Ah, thank you, the bass. Attends, je sais pas ce qu'il y a une backsess. I go all the time. The storm is continued. Round me, in the Piémont, les Pyrénées, les masses d'air froides, les masses d'air chaudes, créent des orages. Stormy, to storm in my head. Oh, when I want to see. Je vais plutôt parler en français. C'est ma langue natale. Who was that guy? Max Sassier. What fucking hatred. Putain, t'as vu ce qu'il dit le gars dans le chat? Non. Mais non, je peux plus lire, je suis trop vieux. Mais c'est un putain d'enculé de sa mère. Ben ouais, ben tu peux zoomer aussi. Si jamais tu zoomes, et ben ça écrit plus gros aussi. Tu cliques dans le texte et tu tournes ta molette et ça va s'écrire plus gros. Dis-moi. C'est un truc de fou. C'est gentil ou c'est méchant? Eh ben le gars, il m'a insulté moi. Bon, à mon avis, c'est toi qui l'as insulté, mais c'est moi qui l'ai insulté quand même. Ah merde. Non, c'était méchant. Et qu'est-ce qu'il disait? He was mean. What that guy? Qu'est-ce qui se passe? Yeah, really. Fuck. Really, Maxis? Are you for real? He's back. Ah. What the problem? What the problem? Problem with we don't. You? We don't really need you. We need love here, over here. Unconditional love. Yeah. We only need love. Ma che cosa sono genti? Experiment. We only love. Yes. We don't care about hatred. You can do fake drums and do mean stuff, but it's fake and weak. Moi. J'ai pas peur des insultes. Je peux suivre. Piano. Lune de It's been a long, long time since I've muted someone. It's been a long, long time and I did it. Now I really don't care about what you can say now. We don't care with we your don't hatred. Ah, experiment. You have to know that you're muted. You're muted. You don't even touch muted. Can't you feel the tempo? Can't you? We are making a ninja session. Can't you feel the tempo? Can't you the beat? Can't you feel the will to talk and to communicate with? Oh, experiment. Love is not for sale. If you are full of hatred, don't you? You just can't walk away. Play with me or me. Can't you feel it? Does it mean something to you? Love it too. Did you? Oh, there's no only one. I can feel the tempo. Try. I'm lost. I'd rather speak on you guys. Try cause I can't love the present or you make it happen. Try you. Try again, to fade better. Yes. It's a name. Would you? Work in progress. We. Just to feel better. Yeah, we try again. Devant l'évidence de la catastrophe. Try again. Now we know we just say better. Try again. Well, better. Like sounds. Oh. Yeah, we push the presence though, because we are able to make noise, able to make sound. Try again. Just to fade better. Because we know difficult to make collective, so we make invisible collective. My invisible committee, not just in my head. No. We try again. We can do another thing. All is possible. Du volcan, nous dansons, nous chantons, nous savons que nous sommes vivants et mortels en même temps. Nous savons, mais nous dansons au pied du volcan. Au pied du volcan, libido, my fucking do. Possible, yes, it's possible to love again. Possible, possible, yeah. Dance to sing to love again. Possible, possibly, maybe. Possible, possibly, possible, possible. Du volcan, comme les Romains savaient qu'ils étaient dans un temps très compté, nous ne savons plus comment le temps est relatif à la sensation des comptes, des comptes, le temps. T'es compté, compté le temps, t'es compté, dépendé le temps, t'es compté, t'es compté le temps. De ce que tu ressens, le temps, t'es compté, compté le temps, compté. Comment le compte, comment le temps, t'es compté, compté, compté. Comment le temps, t'es compté, qu'on est con, on est con, comment le temps. Quand on est content, le temps passe vite. Quand on est méchant, comment le temps t'es compté, content, compté, content, compté, content, compté, content. Et le temps passe vite. Content, content. Comment le temps t'es compté, comment. Comment ça va bien, comment le temps t'es compté. Comment ça va mal, comment. C'est long, c'est long. Comment ça va bien, comment ça passe vite, le temps. Relativity of time and space. All around the world, all around the world. Comment devant le temps t'es con, comment le temps t'es con. Just around the world. Comment t'es con. Relativité of time and space. Tellement rapide, trop vite. Huh. Comment ton bébé apprend à marcher? Comment le temps t'est compté? Comment le temps t'est compté? Comment le temps est relatif? Comment tu te souviens des bons moments? Comment tu oublies les mauvais? Question de survie. Mais dans l'épigénétique, tu seras rattrapé par ton épigénétique. Puissance, déterminisme, la puissance de la liberté aussi. Comment tu déjoues les malfaisants? Comment demain? Empêche aujourd'hui. Comment tu fais avec tout ça, ton histoire, ton passé? Comment tu occupes le présent? Comment tu occupes le présent? Comment tu dis ce que tu penses? Comment tu te censures? Comment à chaque instant tu oublies tes sensations? Comment tu t'auto-censures? Thank you. d'un coup comme ça. Malo, malo, malo, maloba. Malo, malo, malo, maloba. Malo. Pourquoi? Tout d'un coup, ça devrait être comme ça. Pas autrement. Mighty as fuck. Ah. Pourquoi voudrais-tu te plaindre encore? Tellement. Au-delà de mon... Malorma. Quand il n'y a pas de question de compte en banque. Chi... Malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo. Ah. Ben c'était bien moi qui parlais, hein. Yeah. Malova. Ne le prends pas pour toi. Sache, dans les quatre accords Toltec, nous gardons notre parole. Mais je m'étais trompé, il avait raison. Impeccable. Il avait raison. Pourquoi? C'est moi qui m'étais trompé. About to love again, able to share in this ninja music, yeah, yeah. Yeah, we push, yeah, we push, yeah, we push the prison door. Sensation, vibration, emotion. Ha! About to know. Thank you. It was amazing. Thanks a lot. Thanks, thanks, my friend. Yes, Mr. Bass, I hope everything is okay to your end. I heard about a riot in Israel. It's been a pleasure sharing with you. Thanks to you. Yeah. Thanks to you. Ooh. Yeah. You. Ah. It's a yeah. We'll need a base. Evolution. I need a bass. Oh, oh. Ah. Comme dans Bonobo. Oh. Lui aussi il savait déjà au pied du volcan Vulcano. L'urgence. Solis radio Exaudi Stella Stella Splendes Solis Radio. Les pèlerins du 11e siècle chantaient ça déjà. L'époque avait besoin d'une étoile. Stella, Splendes, montez-vous. Solis radio, solis. Besoin d'une étoile, Stella. Une étoile pour donner une direction. Stella Splendes ut solis radio. Yeah. minerai, uranium précieux, lithium, d'autres métaux. Encore plus précis, arôme, terrarôme, exaudible, stella, splendid. Soleil dans ma maison. Je veux du soleil, rien que du soleil. Je veux du soleil, rien que du soleil. Du soleil. Radio, radio, radio. Let's see what's going to appear, D minor. D minor. Really? No. It's going to be G minor. Personne ne bouge, engoncé dans son canapé. Pourtant, le spectacle vivant se porte mieux quand il pleut dans les salles. Yeah. Besoin d'un. wanted it so much. Huh. When I need it's over. Even when I sleep, I just walk on the border. I just walk on the border.